En duplex de Nice, François Morel, c'est à vous. Bonjour, avec Baba, on débat, avec Hanouna, on ouvre les débats. Pour ou contre l'interruption volontaire de grossesse? Les fanzouzes parlent aux fanzouzes. Faut pas s'arrêter là, les tarbas. Remettre en cause le droit à l'avortement pour les femmes, c'est cool, mais ça n'est qu'un début, faut aller plus loin. Pour ou contre le droit des femmes à posséder leur propre carnet de chèques? T'en penses quoi? Avant 1965, c'était galère, les femmes n'avaient pas le droit de gérer leurs propres biens. Quand avant 1965, les femmes n'avaient pas le droit de posséder un carnet de chèques, à leur nom, j'ai jamais entendu dire qu'elles étaient plus malheureuses. Ouais, mais quand même, c'est pas mal que les femmes puissent avoir leur propre carnet de chèques personnel. Comme ça, quand elles font les courses, c'est plus pratique. Nous, les mecs, on n'est pas obligés de les accompagner au supermarché. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je te fais remarquer, la femme est dépensière. Excusez-moi, mais je suis désolé. La femme, c'est un vrai panier percé. Si elle a un carnet de chèques à son nom, elle risque de faire exploser le budget du ménage. Ouais, mais t'imagines la galère s'il y a un match de la Ligue à la télé que t'es obligé d'accompagner ta meuf qui doit aller chercher des bières à casino. Aujourd'hui, même dans une émission de divertissement, on peut interroger le rôle de la femme dans la société. D'autres idées de débat, Baba? Pour ou contre le droit de vote aux femmes? Moi, je suis pas trop d'accord pour que la femme ait vote, parce que souvent, elle a pas notre culture politique. Macron, il a été élu parce que physiquement, il peut plaire aux femmes. Ma grande sœur, elle a voté pour lui parce qu'elle le trouve mignon et qu'elle en ferait bien son 4 heures. Si ça se trouve du temps de Gaulle, de Pompidou ou même de Hollande, si les femmes, elles avaient eu le droit de vote, je suis désolé, mais si ça se trouve, ils auraient jamais été élus. Je m'appelle pas Thomas Legrand, mais je crois que du temps de Hollande, déjà, les femmes, elles avaient le droit de vote. Hein, tu crois? Ouais, c'est possible, mais je te parle du temps de Pompidou. Ouais, je suis pas Jean-Michel Apathy non plus, mais je me demande si du temps de Pompidou et de Gaulle, le droit de vote n'avait pas déjà été accordé aux femmes. Ah ouais, c'est vieux comme truc. Alors ce qui est sûr, c'est que du temps de la préhistoire, les femmes, elles avaient pas le droit de voter. Ah bah non, c'est sûr, du temps de la préhistoire, les femmes, elles avaient pas le droit non plus d'avoir un carnet de chèques. C'est le mec qui était obligé d'aller à casino quand il y avait plus de bière dans le frigo. Putain, la tanasse. Et à l'époque de la préhistoire, tu crois que l'avortement était autorisé? Oh, j'en sais rien, moi, je suis pas spécialiste en histoire de France, je m'appelle pas Laurent Deutsch.